Le sabot par Marcel Schwob. La forêt du Gabre est coupée par 12 grands chemins. La veille de la Toussaint, le soleil rayait encore les feuilles vertes d'une mars en or, quand une petite fille errante parut sur la grande route de l'Est. Elle avait un fichu rouge sur la tête, noué sous son menton, une chemise de toile grise avec boutons de cuivre, une jupe effiloquée, une paire de petits mollets dorés, ronds comme des fuseaux, plongeait dans des sabots garnis de fer. Et lorsqu'elle arriva au grand carrefour, ne sachant où aller, elle s'assit près de la borne kilométrique et se mit à pleurer. Or, la petite fille pleura longtemps, si bien que la nuit couvrait toute chose tandis que les larmes coulaient entre ses doigts. Les orties laissaient pencher leurs grappes de graines vertes. Les grands chardons fermaient leurs fleurs violettes. La roune grise au loin grisonnait encore plus dans le brouillard. Sur l'épaule de la petite tombèrent tout à coup deux griffes avec un museau fin. Puis un corps velouté tout entier, suivi d'une queue en panache, se nicha dans ses bras et l'écureuil mit son nez dans sa manche courte de toile. Alors, la petite fille se leva et entra sous les arbres, sous des arceaux de branches entrelacées, avec des buissons épineux piqués de prunelles, d'où jaillissaient soudain des noisetiers et des coudriers, tout droit vers le ciel. Et au fond d'un de ces berceaux noirs, elle vit deux flammes très rouges. Les poils de l'écureuil se hérissèrent. Quelque chose grinça des dents. Et l'écureuil sauta par terre. Mais la petite fille avait tant couru par les chemins qu'elle n'avait plus peur. Et elle s'avança vers la lumière. Un être extraordinaire était accroupi sous un buisson, avec des yeux enflammés et une bouche d'un violet sombre. Sur sa tête, deux cornes pointues se dressaient. Et il piquait les noisettes qu'il cueillait sans cesse avec sa longue queue. Il fendait les noisettes sur ses cornes, les épluchait de ses mains sèches et velues, dont l'intérieur était rose, et grinçait des dents pour les manger. Quand il vit la petite fille, il s'arrêta de grignoter et resta à la regarder en clignant continuellement des yeux. « Qui es-tu ? » dit-elle. « Ne vois-tu pas que je suis le diable ? » répondit la bête en se dressant. « Non, monsieur le diable, » cria la petite fille, « mais un... Oh, oh, oh, ne me faites pas de mal !» « Ne me fais pas de mal, monsieur le diable. Je ne te connais pas, vois-tu. Je n'ai jamais entendu parler de toi. Est-ce que tu es méchant, monsieur ?» Le diable se mit à rire. Il avança sa griffe pointue vers l'enfant et jeta ses noisettes à l'écureuil. Quand il riait, les bouquets de poils qui poussaient de ses narines et de ses oreilles dansaient dans sa figure. « Mon enfant, dit le diable, tu es la bienvenue. J'aime les personnes simples. Tu me fais l'effet d'être une bonne petite fille, mais tu ne sais pas ton catéchisme. » On t'apprendra peut-être plus tard que j'emporte les hommes. Tu vas bien voir que ce n'est pas vrai. Tu ne viendras avec moi que si tu le veux. Mais, dit la petite, je ne veux pas, diable, tu es vilain. Chez toi, ça doit être tout noir. Moi, vois-tu, je cours dans le soleil, sur la route. Je ramasse des fleurs et quelquefois, quand passent des dames ou des messieurs, ils me les prennent pour des sous. Et le soir, il y a des bonnes femmes qui me mettent à coucher dans la paille ou dans le foin des fois. Seulement, ce soir, je n'ai rien mangé. Parce que nous sommes en forêt. » Et le diable dit, « Écoute, petite fille, et n'aie pas peur, je vais te tirer d'affaire. Ton sabot est tombé, remets-le. » Comme il parlait, le diable cueillait une noisette avec sa queue, et l'écureuil en croquait une autre. La petite fille glissa son pied mouillé dans le gros sabot, et se trouva tout à coup sur la grande route, le soleil levé dans des bandes rouges et violettes à l'orient, parmi l'air piquant du matin, la brume flottant encore sur les prés. Il n'y avait plus ni forêt, ni écureuil, ni diable. Un charretier ivre, qui passait au galop, emportant une charretée de bœufs qui meuglait sous une bâche trempée, lui cingla les jambes d'un coup de fouet en manière de salut. Les mésanges à tête bleue piaillaient dans les haies d'aubépines semées de fleurs blanches. La petite fille, étonnée, se remit à marcher. Elle dormit sous une yeuse, à l'angle d'un champ, et le lendemain, elle continua sa route. De chemin en chemin, elle arriva parmi des landes pierreuses où l'air était salé. Et plus loin, elle trouva des carrés de terre, pleins d'eau saumâtre, avec des meules de sel qui jaunissaient au croisement des levées. Des culs blancs et des hauches queues picoraient le crottin sur la route. De larges volées de corbeaux s'abattaient de champ en champ avec des croassements rauques. Un soir, elle trouva assis sur la route un mendiant déguenillé, le front bandé de vieilles toiles, avec un cou sillonné de cordes raides et tordues et des paupières rouges en retournée. Quand il la vit arriver, il se leva et lui barra le chemin de ses bras étendus. Elle poussa un cri. Ses deux gros sabots glissèrent sur la passerelle du ruisseau qui coupait la route. La chute et l'effroi la firent pâmer. L'eau en sifflotant lui baignait les cheveux. Les araignées rouges couraient entre les feuilles de nénuphar pour la regarder. Les grenouilles vertes accroupies la fixaient en avalant l'air. Cependant, le mendiant se gratta lentement la poitrine sous sa chemise noircie et reprit sa route en traînant la jambe. Peu à peu, le cliquettement de sa sébile contre son bâton s'évanouit. La petite se réveilla sous le grand soleil. Elle était meurtrie et ne pouvait remuer son bras droit. Assise sur la passerelle, elle tâchait de résister aux étourdissements. Puis, au loin, sur la route, sonnèrent les grelots d'un cheval. Un peu après, elle entendit le roulement d'une voiture. Abritant ses yeux du soleil avec la main, elle vit une couve blanche qui brillait entre deux blouses bleues. Le charaban avançait rapidement. Devant, trottinait un petit cheval breton au collier garni de grelots, avec deux plumeaux fournis au-dessus des œillères. Lorsqu'il fut à la hauteur de la petite, elle tendit son bras gauche en suppliant. La femme cria. « Ma fille, dirait-on pas une garçaille qui chine ? Arrête donc le cheval, toi, Jean. Voir ce qu'elle a. Tiens bon que je descende et qu'il ne se trotte pas. Oh, oh ! Allons donc, voyons voir ce qu'il la tient. » Mais lorsqu'elle la regarda, la petite était déjà repartie pour le pays des songes. Le soleil lui avait trop piqué les yeux, et aussi la route blanche et la douleur sourde de son bras lui avaient étranglé le cœur dans la poitrine. « On dirait qu'elle va passer, » souffla la paysanne. « Pauvre ch'tiote. C'était une ch'tiote ou bien qu'elle était mordue par un crocodile ou un sourd des fois. Ce bas malicieux, ces bêtes-là. Ça court la nuit par les chemins. Jean, tiens la carne, qu'elle ne se trotte pas. Mathurin va me donner un coup de main pour la monter. » Et la carriole la cahota. Le petit cheval trottinant devant avec ses deux plumeaux qui se secouaient chaque fois qu'une mouche lui chatouillait le chanfrein, et la femme en coiffe blanche, serrée entre les blouses bleues, se tournait de temps à autre vers la petite, encore très pâle. Et elle arriva enfin dans une maison de pêcheur coiffée de chaume. Lequel pêcheur était un des plus conséquents du pays, y avait donc de quoi faire, et pouvait envoyer son poisson au marché dans le cul d'une charrette. Là se termina le voyage de la petite, car elle resta toujours depuis chez ses pêcheurs, et les deux blouses bleues étaient Jean et Mathurin, et la femme en coiffe blanche était la mère Matteau, et le vieux allait en pêche dans une chaloupe. Or, ils gardèrent la petite fille, pensant qu'elle serait utile pour mener la maison, et elle fut élevée comme les gars et garçailles des Mathurins, avec la garcette. Les bourrées et les taloches descendirent sur elle bien souvent. Et lorsqu'elle prit de l'âge, à force de raccommoder les filets, et de manier les plombs, et de mener les copettes, et éplucher le goémon, et laver les cabans, et tremper les bras dans l'eau grasse et dans l'eau salée, ses mains devinrent rouges et éraillées, ses poignets ridés comme le cou d'un lézard, et ses lèvres noires donc, et sa taille carrée, sa gorge pendante, et ses pieds bien durs et cornés, pour avoir passé maintes fois sur les pustules de cuir du varech et les bouquets de moules violacées qui raclent la peau avec le tranchant de leur coquille. De la petite fille de jadis, il ne restait guère, sinon deux yeux comme des braises et un teint de jus de pipe. Joues flétries, mollets tordus, dos courbés par les panerets de sardines, c'était une cheminote devenue bonne à marier. Elle fut donc promise à Jean, et devant que les accordailles eussent teinté par tout le caquet du village, il y avait un bon acompte de prix sur les épousailles, et ils se marièrent tranquillement. L'homme alla pêcher au chalut et boire au retour des bolets de cidre avec des verrées de rhum. Il n'était pas beau, avec sa figure osseuse et un toupet de cheveux jaunes entre deux oreilles pointues, mais il avait les poings solides. Le lendemain des jours, il était saoul, la jeune avait des bleus, et elle eut une traînée d'enfants accrochée à ses jupes quand elle raclait sur le pas de la porte la marmite au gros. Eux aussi furent élevés comme des gars et garçailles de Mathurin à la garcette. Les journées se passèrent l'une après l'autre, monotones et encore monotones, à débarbouiller les petits et à raccommoder les filets, à coucher le vieux quand il rentrait plein, et les bons soirs, des fois, à jouer aux 3-7 avec les commères, pendant que la pluie claquait contre les carreaux et que le vent rabattait les brindilles dans l'âtre. Et puis l'homme se perdit à mai. La jeune le pleura dans l'église. Elle fut longtemps, la figure raidie et les yeux rouges. Les enfants poussèrent et partirent, qui par-ci, qui par-là. Finalement, elle resta seule, vieille, béquillarde, ratatinée, chevrotante. Elle vivait avec un peu d'argent que lui envoyait un de ses fils qui était gabier. Et un jour, comme l'aurore poignait, les rayons gris qui entrèrent par les carreaux fumeux éclairèrent l'âtre éteint et la vieille qui râlait. Dans le hoquet de la mort, ses genoux pointus soulevaient ses hardes. Tandis que la dernière bouffée d'air chantait dans sa gorge, on entendait sonner matine, et ses yeux s'obscurcirent tout à coup. Elle sentit qu'il faisait nuit. Elle vit qu'elle était dans la forêt du Garve. Elle venait de remettre son sabot. Le diable avait cueilli une noisette avec sa queue, et l'écureuil achevait d'en croquer une autre. Et elle s'écria de surprise, en se retrouvant toute petite, avec son fichu rouge, sa chemise grise et sa jupe déchirée. Puis elle s'écria de peur. « Oh !» gémit-elle en faisant le signe de la croix. « Tu es le diable, et tu viens de m'emporter. »« Tu as fait des progrès, » dit le diable. « Tu es libre de venir. »« Comment ? » dit-elle. « Ne suis-je point pécheresse, et ne vas-tu pas me brûler, mon Dieu ?»« Non pas, » dit le diable. « Tu peux vivre ou venir avec moi. »« Mais, Satan, je suis morte. »« Non pas, » dit le diable. « Il est vrai que je t'ai fait vivre toute ta vie, mais pendant l'instant seulement que tu remis ton sabot. Choisis entre la vie que tu as menée et le nouveau voyage que je t'offre. » Alors la petite se couvrit les yeux de sa main et pensa. Elle se rappela ses peines et ses ennuis, et sa vie triste et grise. Elle se sentit lasse pour tout recommencer. « Eh bien, » dit-elle au diable, « je suis damnée, mais je te suis. » Le diable siffla un jet de vapeur blanche de sa bouche violet sombre, enfonça ses griffes dans la jupe de la petite fille, et ouvrant de grandes ailes noires de chauve-souris, monta rapidement au-dessus des arbres de la forêt. Des gerbes de feu rouge jaillissaient comme des fusées de ses cornes, des bouts de ses ailes et des pointes de ses pieds. La petite pendait inerte, comme un oiseau blessé. Mais soudain, 12 coups sonnèrent à l'église de Blain, et de tous les champs sombres montèrent des formes blanches, des femmes et des hommes, aux ailes transparentes, et qui volaient doucement par les airs. Or, c'étaient les saints et saintes dont venait de commencer la fête. Le ciel pâle en était plein, et il resplendissait étrangement. Les saints avaient autour de la tête un halo d'or. Les larmes des saintes et les gouttes de sang qu'elles avaient versées s'étaient changées en diamants et en rubis qui parsemaient leurs robes diaphanes. Et sainte Madeleine dénoua sur la petite ses cheveux blonds. Le diable se recroquevilla, et tomba vers la terre comme une araignée au bout de son fil. Et elle prit l'enfant dans ses bras blancs et dit « Pour Dieu, ta vie d'une seconde vaut des dizaines d'années. Il ne connaît point le temps et n'estime que les souffrances. Viens fêter la Toussaint avec nous. » Et les rayons de la petite s'abattirent. Et l'un après l'autre, ses deux sabots tombèrent dans le vide de la nuit, et deux ailes éblouissantes jaillirent de ses épaules, et il s'envola, entre sainte Marie et sainte Madeleine, vers un astre vermeil et inconnu où sont les îles des Bienheureux. C'est là qu'un faucheur mystérieux vient tous les soirs, avec la lune pour faucille. Et il fauche, parmi les prairies d'Asphodel, des étoiles scintillantes qu'il sème dans la nuit. C'était Le Sabot, par Marcel Schwob.